Elles étaient toutes jalouses, mais tu es un vrai loser. Je suis loin d'être amoureuse. Tu pensais que j'allais t'harceler, moi. Efface-moi ta mémoire. Tu me connais pas, tu verras bien. Dieu merci, je me suis endormie, je me suis réveillée. Je me suis soignée, mon cœur a trop saigné. Yeah. Ne crois pas que je vais pleurer ton absence. Ne crois pas que je vais pleurer ton absence. Fais ta vie, moi je ferai la mienne. Et ne va surtout pas croire que je suis une jalouse. Fais ta vie, je ferai la mienne. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Fuis-moi, je ne te suivrai jamais, jamais. Fuis-moi, je ne te suivrai jamais, jamais. Fuis-moi, ouais, je ne te suivrai jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais, non jamais. Baby, ne m'appelle plus jamais baby. Tu veux me parler, fais vite. Reviens plus tard si t'hésites. Tu m'as souvent mise à bout, j'avais des doutes. Non, tu n'étais pas mon double. Ça c'est des mois et des mois que je versais des gouttes de larmes, maintenant tu dégoûtes. J'ai mis des mois et des mois à comprendre que je n'avais plus besoin de toi. Je me sens mieux quand j'entends plus ta voix. Je ne veux plus de toi ni de tes bras. Ta vie, moi je ferai la mienne. Et ne va surtout pas croire que je suis une jalouse. Fais ta vie, je ferai la mienne. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin, non pas besoin de toi. Fuis-moi. Je ne te suivrai jamais, jamais. Fuis-moi, je ne te suivrai jamais, jamais. Fuis-moi, ouais, je ne te suivrai jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais, non jamais. Jamais, non jamais.